J'ai mangé du pâté en croûte. S'il suffirait que l'on se rattache, espèce de pute, espèce de grosse chienne. Ah, on les joue, celle-là, bien, espèce de grosse chienne. J'adore celui-là, j'aime bien celui-là, ce morceau. Écoutez. Allez vous faire masser. Eh oui, les gars. Que je t'aime et que j'aime la canter bro. Oh, oh. Et que j'aime la canter bro. Oh, oh. Avec toi. J'étais tranquille dans Soudain sur... Soudain, j'ai rencontré une femme. Et je lui ai dit, salut. Ce que tu veux de venir voir une verveine chez moi. Wow, pop it, jam, pop it up, and pop it up, and pop it. J'adore ce son. J'adore ce son. Ah putain, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Merde, j'arrive pas à la changer, je suis bloqué, merde. Je suis pas resté comme ça, putain. Attends, j'ai changé. Thank you. Roberto à l'amiable, et Luciano Pavarotto. Ça fait peur. Putain, quel taré. À peu près, Santana. Oh putain. Il va me tuer, ce con. L'ordi t'est viré. que je m'aime, que je m'aime. J'ai pris du sans-plomb 95. Je me souviens, tu l'avais payé en carte bleue. Je t'avais offert un balistou. Look at that yo-yo. Après, on est allé en Bourgogne faire la route des vins. On dirait le sud, on dirait le sud. Yeah. Portais une robe à poids, j'avais mis n'importe quoi, on a bu un sans-cesse. Il est parti là. On va plus l'arrêter là. Il est parti, il va nous faire la totale là. Ah, c'est bon. C'est bon ça. Mon rêve était tout beau. C'est clair. Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. Lance un truc là. Thank you. Thank you.